Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sarah. Enchantée. Je fais la formation de à lire et écrire de Saint-Gir. Ouais. D'abord, je vous remercie pour nous accueillir. Est-ce que je peux vous poser des questions? Bien sûr. Quel est votre travail dans le centre? Je suis assistante sociale. Est-ce que votre salaire est payé par qui? Par la COCOF. Est-ce qu'il faut un diplôme? Oui, un diplôme d'assistante sociale. Est-ce que votre métier est-il difficile? Oui et non, c'est relatif. Il y a des jours où c'est difficile et des jours où ça va. Est-ce que combien d'heures faites-vous par jour? 8 heures. Quel est votre meilleur souvenir professionnel? Mon meilleur souvenir, une personne qui passe ici, qui arrive à mettre un projet en place et qui part en ayant un travail et un appartement. Merci. Est-ce que c'était que vous auriez, que vous aviez souhaité? Oui. Au début, je ne savais pas trop ce que c'était quand je commençais mes études. Mais avec les années, je me rends compte que c'est ce qu'il me fallait. Merci. Une question, j'ai le cas qui était bizarre tout à l'heure. Oui. Qui était nerveux, agressif, concernant ça. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là, vous, en tant qu'assistant social? Comment est votre réaction? Vous n'avez pas tendance à reculer et dire, voilà... va m'arriver. Oui, il faut dire que même si on a des personnes parfois assez bizarres, les cas de violence sont quand même rares. Et quand on répond à l'agressivité par l'agressivité, ça peut faire monter encore la tension, mais on essaie de rester calme face à la personne et lui expliquer les choses le plus calmement possible. Et la personne, quand elle se rend compte que moi je suis agressive, mais cette personne-là reste calme et me respecte toujours. Donc, ça fait retomber quelque part son agressivité. Et sinon, quand ça dégénère vraiment, parce qu'il y a des cas, et là on peut mettre carrément la personne à la porte, et si ça ne va pas, on appelle la police. Vous, dans ce cas-là, est-ce que vous restez tout près de cette personne ou bien est-ce que vous allez chercher de l'aide? Parce que bon, c'est au cas par cas. Si vraiment je me sens en danger, je vais chercher de l'aide. Votre assistante sociale, il y a des risques par moment aussi, quoi. Oui, pour les assistantes sociales que pour les autres du personnel. Quoi. Ouais. Mais depuis que je suis là, vraiment, il n'y a pas eu de problème. Il peut y arriver qu'on s'énerve et qu'on dise à une personne, écoutez, monsieur, ça suffit maintenant, vous sortez de mon bureau. D'accord, ça... Donc, quelque part, il y a quelque chose que vous aimez faire dans votre métier, quoi. Qui vous plaît, je dis, ouais, j'ai bien fait de choisir ça, même s'il y a des jours où des hauts et des bas, il faut faire avec. Oui. Parfois, quand on est obligé de décider, quand on finit par décider de baisser les bras parce que avec telle personne, on a tout essayé, on veut que la personne s'en sorte, mais il n'y a pas de volonté de la part de la personne même. À un moment, on dit, bon, on ne va pas s'épuiser pour rien. Il y a d'autres hommes qui ont besoin de cette énergie-là, donc on laisse le choix à la personne. Si tu n'es pas preneur, alors c'est ta vie quand même, et on ne peut pas t'aider sans toi-même. Donc on laisse tomber, mais quelque part, ça nous laisse, nous, un nœud, parce qu'on aurait bien voulu que la personne s'en sorte. Et parfois, physiquement, même quand on parle avec la personne, on se dit, mais... cette personne a du potentiel, cette personne n'est pas responsable de la situation dans laquelle elle se trouve. C'est peut-être tout un ensemble d'éléments qui l'a conduit là, où il se retrouve dans cette situation par la force des choses. Mais les problèmes, les soucis, tout ça, les épreuves l'ont tellement abîmé que peut-être il ne peut plus s'en sortir. Et ça, c'est désolant et ça fait mal. Donc quelque part, vous dites, je suis content que je sois assistant social, oui. Même s'il y a des types comme tantôt. Moi, la chose qui m'a le plus marquée quand je suis arrivée ici, c'est le manque de rêve. Nos hommes n'ont plus de rêve. Moi, je prends toujours l'exemple, mes parents ont 75 ans, ils sont remplis de rêves. Ils ont des envies, ils ont... Et ici, les trois quarts des hommes, quand on leur dit, mais tu te vois comment dans 5 mois? C'est pas dans 10 ans. Non. Ils ne se projettent plus dans l'avenir, c'est fini. Ils n'ont plus d'envie, ils n'ont plus de rêve. Ça, c'est triste, c'est affreux. Pour moi, ça m'a choquée. Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Je dis, il y a beaucoup de parents qui démissionnent. On a tellement une vie stressante à courir, à devoir travailler le plus possible, on ne s'occupe plus de ses enfants. Et ça fait que nos jeunes arrivent à 18 ans dans le centre parce que, bon... Les parents, ben, ils ne les ont pas élevés. On n'élève plus ses enfants comme avant. On n'est plus, il n'y a plus de règles. Il y a ça aussi. C'est tout ça qui fait. Et on en revient toujours aux règles. Des règles, c'est partout. C'est ici, c'est à l'extérieur. Et c'est comme ça. La vie, c'est une règle. C'est tout. Voilà.